mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent. La mer à des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs boutons avec les anges, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands clair.